J'ai un circuit pour que je m'éclate. L'allume-cigare, je peux contrôler. Les vitesses, c'est déjà plus calé. C'est comment qu'on freine. Je voudrais descendre de là. C'est comment qu'on freine. Tous ces cosaques, moi et le canon. Dans le goulag, je rêve d'évasion.